Chapitre 3. Le jour des noces de Lydie arriva. Jane et Elizabeth eurent plus d'émotion qu'elles n'en avaient sûrement elles-mêmes. Elle envoyait la voiture chercher les époux à Londres. Ils arrivèrent au moment du dîner. Les deux Miss Bennet redoutaient beaucoup ce premier moment, Jane surtout, qui prêtait à Lydie tous les sentiments qu'elle aurait eus à sa place, souffrait de tout ce qu'elle croyait que sa sœur devait éprouver. La famille était rassemblée dans le salon pour les recevoir. La joie brilla sur la figure de Mrs. Bennet au moment où l'on entendit la voiture. Son mari avait l'air fort sérieux, et ses filles étaient inquiètes et émues. La voix de Lydie se fit entendre dans le vestibule. Elle poussa la porte avec force et s'élança dans le salon. Sa mère l'embrassa avec transport, donna la main avec le sourire du bonheur à Wickham qui suivait sa femme, et leur souhaita à tous deux joie et prospérité avec une gaieté qui prouvait qu'elle n'avait aucun doute sur leur félicité future. La réception que leur fit Mr. Bennet, vers lequel ils se tournèrent alors, ne fut pas tout à fait aussi cordiale. Sa contenance devint encore plus sévère, et il ouvrit à peine la bouche. L'assurance du jeune couple était faite pour le provoquer. Elizabeth en était révoltée, et Miss Bennet elle-même en fut affligée. Lydie était toujours la même, sans honte, sans timidité, étourdie, bruyante, sans aucune défiance. Elle allait d'une sœur à l'autre, leur demandant des compliments de félicitations. Et lorsqu'enfin ils furent tous assis, elle regarda avec curiosité autour de la chambre et observa en riant qu'il y avait bien longtemps qu'elle ne s'y était trouvée. Wickham n'était pas plus embarrassé qu'elle, mais ses manières avaient quelque chose de si aimable, de si séduisant, que si son caractère et sa conduite eussent été sans reproche, son air de bonheur et d'aisance les eût tous charmés. Elizabeth ne lui croyait pas tant d'impudence. Elle rougit. Jane rougit aussi. Mais ceux qui causaient leur confusion ne changèrent pas de couleur un seul instant. La conversation ne languissait point. Lydie et sa mère ne pouvaient parler assez vite. Et Wickham, qui se trouvait à côté d'Elizabeth, lui demanda des nouvelles de tout le voisinage, avec tant de gaieté, qu'elle se sentit incapable de l'égaler dans ses réponses. Les deux époux paraissaient avoir la plus heureuse mémoire du monde. Ils ne se rappelaient avec chagrin de rien de ce qui s'était passé. Lydie amena volontairement la conversation sur des sujets que ses sœurs, par égard pour elle, n'auraient pas abordés pour rien au monde. « Quand je pense qu'il y a 3 mois que je suis partie, » s'écriait-elle, « j'avoue qu'il me semble qu'il n'y a pas 15 jours, et cependant que 2 choses se sont passées pendant ce temps-là. Grand Dieu ! Il est bien sûr que lorsque je partis, je n'avais pas l'idée que je serais mariée quand je reviendrais. Je pensais cependant que ce serait une drôle de chose si je l'étais. » Son père leva les yeux au ciel. Jane avait l'air embarrassée. Elizabeth lança un regard expressif à Lydie, mais celle-ci, qui ne voyait et n'entendait jamais ce qui ne lui convenait pas, poursuivit gaiement. « Oh, ma chère maman, les gens des environs savent-ils que je me suis mariée aujourd'hui ? Je crains bien que non. Nous avons vu venir William Golding dans son caricle. Je voulais absolument qu'il le sût. J'ai baissé la glace de la voiture et, ôtant mon gant, j'ai posé ma main sur le bord de la fenêtre, de manière qu'il pût bien voir ma bague, puis ensuite je l'ai salué en souriant comme à l'ordinaire. » Elizabeth n'y pouvait plus tenir. Elle se leva et quitta la chambre. Elle n'y rentra que lorsqu'elle entendit ses parents traverser le vestibule pour aller à la salle à manger. Elle les rejoignit assez tôt pour voir Lydie, qui, d'un air glorieux, prenait sa place à la droite de sa mère et disait à sa sœur aînée, « Oh, Jane, je prends votre place à présent, et vous devez descendre un peu plus bas, parce que je suis maintenant une dame. » On ne devait pas imaginer que Lydie fût embarrassée plus tard, puisqu'elle avait été si à son aise dès le commencement. En effet, son assurance et sa gaieté allaient toujours en croissant. Elle languissait de voir Mrs. Phillips, les Lucas et tous les autres voisins, et de s'entendre appeler Mrs. Wickham par chacun d'eux. Après le dîner, elle fut montrer sa bague et se vanter d'être mariée à Mrs. Hale et aux femmes de chambre. Et lorsqu'ils furent tous retournés au salon, elle dit « Eh bien, maman, que pensez-vous de mon mari? N'est-ce pas un homme charmant? Je suis sûre que toutes mes sœurs me l'envient. Je leur souhaite seulement la moitié de mon bonheur. Il faut qu'elles aillent toutes à Brighton. C'est l'endroit où l'on trouve des maris. Quel dommage, maman, que nous n'y retournions pas tous. » C'est vrai. Si nous suivions ma volonté, nous irions tous. « Mais ma chère Lydie, je suis bien fâchée de vous voir partir pour le Nord. Faut-il donc que cela soit ainsi ?»« Oh mon Dieu, ce n'est rien cela. Je m'en réjouis beaucoup. Il faut que vous veniez nous y voir avec papa et mes sœurs. Nous serons tout l'hiver à Newcastle. Il y aura beaucoup de balles. Je prendrai soin de leur procurer des partenaires à toutes. Cela me ferait un bien grand plaisir. Et alors, quand vous reviendrez, vous pourriez me laisser une ou deux de mes sœurs. Et je vous assure que je leur trouverai des maris avant la fin de l'hiver. Pour ma part, dit Elisabeth, je vous remercie de cette faveur. Je n'approuve point votre manière de trouver des maris. La visite des nouveaux mariés ne devait durer que 10 jours. Mr. Wickham avait reçu son brevet avant de quitter Londres et devait rejoindre son régiment au bout de 15 jours. Il n'y avait que Mrs. Bennet qui regretta que leur séjour fût si court. Elle passa la plus grande partie de ce temps à faire des visites avec sa fille ou à ranger des parties de plaisir chez elle. Au reste, il convenait aussi bien à ceux qui réfléchissaient à ce qui s'était passé d'éviter les cercles de famille qu'à ceux qui paraissaient avoir déjà tout oublié. L'affection de Wickham pour Lydie n'égalait point, comme Elisabeth l'avait bien deviné, celle que Lydie avait pour lui. Et quelques observations avaient suffi pour affermir celle-ci dans l'idée que l'amour de Lydie avait eu bien plus de part à cette fuite que celui de Wickham. Peut-être même ne l'aurait-il point enlevé, s'il n'avait pas été réduit à s'enfuir par l'embarras où il se trouvait vis-à-vis de ses créanciers. Forcé de partir, il n'avait pas résisté à la tentation d'avoir une compagne dans sa fuite. Lydie avait une tendresse passionnée pour lui. Dans toutes les occasions, elle l'appelait son cher Wickham. Personne ne pouvait lui être comparé. Tout ce qu'il faisait était bien fait. Elle était sûre que lorsque la chasse s'ouvrirait, il tuerait à lui seul plus de gibier que tous les chasseurs du pays ensemble. Peu de temps après leur arrivée, un matin qu'elle se trouvait avec ses deux sœurs aînées, elle dit à Elisabeth « Lizzie, je crois que je ne vous ai jamais raconté les détails de mon mariage. Vous n'étiez pas là lorsque je les ai donnés à maman et à mes sœurs. N'êtes-vous pas curieuse de les connaître ?»« Oh, pas du tout. Je pense que vous ne sauriez trop garder le silence sur ce sujet. » »« Là, que vous êtes extraordinaire. Il faut cependant que je vous les raconte. Nous avons été mariés, comme vous le savez, à l'église de Saint-Clément, parce que le logement de Wickham était dans cette paroisse. Il était convenu que nous y serions à 11 heures. Mon oncle, ma tante et moi, nous devions y aller de notre côté et y trouver les autres. Enfin, le lundi matin arriva. J'étais dans une vive impatience, car je craignais toujours qu'il survînt quelque incident qui dérangeât tout. J'en serais devenu folle, je crois. Ma tante, pendant tout le temps de ma toilette, me prêcha. Elle parlait positivement comme si elle avait lu un sermon. Il est vrai que tout ce qu'elle disait, je n'en ai pas entendu un mot sur 10. Car je pensais, comme vous pouvez l'imaginer, à mon cher Wickham, et je languissais surtout de savoir s'il mettrait son grand uniforme. Nous déjeunâmes à 10 heures, comme à l'ordinaire. Je croyais que ce ne serait jamais fini. Il faut que vous sachiez que mon oncle et ma tante ont été horriblement ennuyeux tout le temps que j'ai demeuré avec eux, me prêchant toute la journée et me gardant comme en prison. Me croirez-vous quand je vous dirai que je n'ai pas mis les pieds hors de leur maison, quoique j'y sois resté 15 jours. Pas un plaisir, pas un projet, rien. Londres n'était pas animé dans ce moment. Cependant, le petit théâtre était ouvert. Eh bien, au moment où la voiture arriva devant la porte, mon oncle fut obligé de sortir, d'aller voir cet horrible Mr. Stone pour une affaire, et vous savez bien qu'une fois qu'ils sont ensemble, on ne sait plus quand cela finira. J'en avais si peur que je ne savais que devenir. C'était mon oncle qui devait me présenter, et si nous étions arrivés trop tard à l'église, nous n'aurions pas été mariés ce jour-là. Enfin, heureusement, il revint 10 minutes après et nous partîmes. J'appris cependant ensuite que lors même qu'il n'aurait pas pu venir, la noce n'aurait pas été renvoyée pour cela, car la présence de Mr. Darcy aurait suffi. « De Mr. Darcy ?» répéta Elisabeth dans le plus grand étonnement. « Oui, il devait se trouver là avec Wickham. Ah mon Dieu, j'oublie tout à fait. Je ne devais pas dire un mot de tout cela. Je leur avais promis solennellement. Que dira Wickham? Ce devait être un si grand secret. » Si ce devait être un secret, dit Jane, ne dites plus un mot là-dessus. Vous pouvez compter que nous ne cherchons pas à en savoir davantage. Oh, certainement, dit Elisabeth, dévorée de curiosité. Nous ne vous ferons point de questions. Je vous remercie, dit Lydie, car je vous aurais tout dit. Et Wickham aurait été très fâché. Elisabeth fut obligée de s'éloigner, pour éviter la tentation de faire quelques questions indirectes. mais vivre dans l'ignorance sur un tel sujet, c'était impossible. Il était si extraordinaire que Mr. Darcy eût assisté au mariage de Wickham. Quelle raison pouvait-il avoir eue pour cela? Les conjectures se succédaient rapidement dans son esprit, mais aucune ne la satisfaisait. Celle qui lui plaisait le plus, parce qu'elle faisait paraître son caractère sous leurs plus beaux jours, était précisément celle qui paraissait le plus improbable. Elle ne put supporter longtemps cette incertitude et l'écrivit à sa tante pour lui demander l'explication de ce que Lydie avait laissé échapper, si cela n'était pas incompatible avec le secret qu'on avait demandé. « Vous pouvez facilement comprendre, écrivait-elle, quel doit être mon désir de savoir comment une personne qui est presque étrangère à toute notre famille a pu se trouver au milieu de vous dans ce moment-là. Je vous en supplie, ma chère tante, répondez-moi là-dessus, à moins qu'il n'y ait de fortes raisons pour que cela reste dans le secret. Alors je m'efforcerai de prendre mon parti de l'ignorer. » « Et cela ne sera sûrement pas, s'écria-t-elle en achevant sa lettre, car ma chère tante, si vous ne me le dites pas franchement, je serai réduite à le découvrir par quelque stratagème. » La délicatesse de Jane ne lui aurait pas permis de parler à Elizabeth de ce qui était échappé à Lydie. Elizabeth en était bien aise. Elle préférait n'avoir point de confidente et pouvoir garder le secret pour elle-même si sa tante l'exigeait.